Elle est venue d'un pays lointain pour rencontrer le roi Salomon. Elle a parcouru tous les chemins, guidée par la gloire de ce nom. Elle est venue chargée de richesses pour les offrir au roi Salomon, celui dont le Dieu n'est que sagesse, et lui poser 10 000 questions. Reine de Saba, merci pour vos cadeaux. Des femmes étrangères qui sont venues ici. Vous êtes la plus belle, vous êtes la plus fière. Et je sens dans mon cœur un sentiment nouveau. Elle a chanté, dansé pour lui, passé dans ses bras toute la nuit. Leur bonheur ressemblait au soleil qui fait le bleu du ciel d'Israël. Mais l'amour fou sait tendre ses pièges à ceux dont les passions sacrilèges font oublier le nom de leur Dieu, renier leur foi, baisser les yeux. Reine de Saba, dis, qu'as-tu fait de moi? L'esclave de ton corps pour quelques pièces d'or. À prier tes idoles, j'ai l'âme qui s'envole. Et pour cette illusion, je demande pardon. Moi je ne veux plus de tes palais, ni de ce Dieu que tu me préfères. Je t'abandonne où je t'ai trouvé, avec tes remords et tes idées. Reine de Saba, grisée de ta lumière. Moi j'ai sali mon Dieu, moi j'ai trahi mon Père. J'ai brisé l'alliance, le pacte de confiance. Que va-t-il m'arriver? Cela Dieu seul le sait.